Chapitre 12. Il la regarda avec surprise. Alors elle se mit à sourire. « Je vous étonne, » dit-elle, « je l'avoue. Vous avez donc cru que je voulais tout simplement faire une excursion dans ces montagnes ?»« J'ai cru ce que vous me disiez. » « Ce que je vous disais était la vérité, mais ce n'était pas toute la vérité. Oui, j'avais grande envie de faire cette excursion pour le plaisir qu'elle pouvait me donner, mais aussi j'avais grand désir de m'aménager un tête-à-tête avec vous, dans lequel je pourrais vous adresser une demande pour moi très importante. Je vous écoute. » « Ah, maintenant rien ne presse, car je ne crains pas que notre tête-à-tête soit troublé. Déjeunons d'abord, ensuite je vous ferai mes confidences. » « N'écouterez-vous pas mieux ? Pour moi, je parlerai plus facilement quand j'aurai apaisé mon appétit, car je meurs de faim. » Où voulait-elle en venir ? Que voulait-elle lui demander ? La curiosité du colonel était vivement excitée. Cependant, il ne lui adressa pas de questions. Ouvrant son sac, il en tira les provisions et les ustensiles de table qu'il renfermait. Ses provisions et ses ustensiles étaient des plus simples. Pour provisions, du pain, un poulet froid et du sel. Pour ustensiles, de couteaux, de verres et de petites serviettes, dans une gourde recouverte d'osier, du vin blanc d'Ivorne. Le couvert fut bien vite mis sur un quartier de rocher, et ils s'assirent en face l'un de l'autre. « Pour le plaisir que je me promettais, dit-elle, je suis servie à souhait. » Et tout en mordant du bout des dents un os de poulet, elle promena lentement les yeux autour d'elle. « Assurément, il y a en Suisse beaucoup de montagnes plus célèbres que ces pentes des dents de Naï et de Jamant. Cependant, il en est peu où la vue puisse embrasser un panorama plus vaste et surtout plus varié. Tout se trouve réuni, arrangé, disposé, composé pour le plaisir des yeux. Les eaux, les bois, les champs, les prairies, les villages et les villes. Au loin, se confondant dans le ciel, les pics sauvages des Alpes, couverts de neiges éternelles, et qui, de quelque côté qu'on se tourne, vous entourent et vous éblouissent. À ses pieds, au contraire, le spectacle de la vie civilisée, les toits des villages qui réfléchissent les rayons du soleil, les bateaux à vapeur qui tracent des sillons blancs sur les eaux bleues du lac, et dans les vallées, la fumée des locomotives qui courent et s'envolent à travers les maisons et les arbres. Les bruits de la plaine et des vallées ne montent point jusqu'à ces hauteurs, et dans l'air tranquille on n'entend que les clochettes des vaches ou le chant des bergers qui fauchent l'herbe sur les pentes trop rapides pour les pieds des troupeaux. Quel malheur que ces bergers ne nous chantent pas le rang des vaches, dit Carmélita en souriant. Il se mit elle-même à chanter à pleine voix cet air, tel qu'il se trouve écrit dans Guillaume Tell. Puis, quand elle eut fini, se tournant vers le colonel, comment trouvez-vous ma voix ? Demanda-t-elle. Admirable. Ce n'est pas un compliment que je vous demande, mais une réponse sincère. Vous comprendrez tout à l'heure l'importance de cette sincérité. Tout à l'heure. Oui. Quand je vous ferai mes confidences. Mais le moment n'est pas encore venu, car ma faim n'est pas assouvie. J'accepte un nouveau morceau de poulet, si vous voulez bien me l'offrir. » Ils se levaient de temps en temps pour aller emplir leur verre au filet d'eau qui, par un conduit en bois, tombait dans le tronc d'un gros pin creusé en forme d'auge. Bientôt il ne resta plus du poulet que les os, et la gourde se trouva vide. Alors, à son tour, elle se leva et, s'éloignant de quelques pas, elle se mit à cueillir dans l'herbe des violettes bleues et jaunes, des anémones printanières, des saxifrages et d'autres fleurs alpines, dont elle forma une petite botte. Puis, revenant vers le colonel, qui pendant ce temps avait refermé son sac, elle jeta toutes ses fleurs sur l'herbe et, s'asseyant, elle commença à les arranger en bouquet. Évidemment, le moment de la confidence était arrivé. Quelle allait être cette confidence ? C'était ce qu'il se demandait avec curiosité et même avec une certaine inquiétude. Que pouvait vouloir lui dire cette fille bizarre, ordinairement muette avec des attitudes de sphinx et aujourd'hui bavarde, légère et disposée à l'abandon ? « Il faut que je commence par vous avouer, dit-elle, que j'ai pour vous une grande estime et que vous m'inspirez une entière confiance. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce serait bien long à expliquer et difficile aussi. » Je vous demande donc à affirmer seulement cette estime et cette confiance pour vous faire comprendre comment j'étais amené à vous prendre pour confident. » Le colonel eut voulu répondre, mais ne trouvant qu'une fadaise, il se contenta d'un signe de main pour dire qu'il écoutait. « Vous savez, continua-t-elle, comment j'étais élevé. Mon oncle a conçu le projet de me faire faire un grand mariage, et il a voulu me rendre digne des hautes destinées qu'il ambitionnait pour moi. Et aussi un peu pour lui, il faut bien le dire. Ai-je ou n'ai-je pas profité de ces leçons? C'est une question que je n'ai pas à examiner et sur laquelle je ne veux pas vous interroger, car vous ne pourriez me répondre que poliment, et c'est à votre sincérité que je fais appel. Quoi qu'il en soit, le grand mariage désiré ne s'est pas fait, et les rêves de mon oncle ne se sont point réalisés. Je suis sans fortune, cela explique tout. Ne croyez pas que tous les hommes ne recherchent que la fortune dans la femme qu'ils épousent. Je ne crois rien. Je constate que je ne suis pas marié, et je l'explique par une raison qui me paraît bonne. Cependant, j'avoue volontiers qu'elle n'est pas la seule. Pour que ces grands mariages réussissent, pour qu'une jeune fille qui n'a rien que quelques avantages personnels se marie, il faut, n'est-ce pas, que cette jeune fille travaille elle-même habilement à ce mariage, qu'elle trouve elle-même son mari, et qu'avec plus ou moins d'adresse, de diplomatie, de ronrerie, de coquetterie, de persévérance, elle oblige elle-même ce mari à l'épouser. C'est au moins ainsi que se sont accomplis les beaux mariages qui ont servi d'exemple à mon oncle. Ils lui ont mis en tête l'idée de me donner pour mari un prince ou un empereur. Il avait eu d'illustres exemples sous les yeux, et il avait cru que je pourrais les suivre. Par malheur, pour le succès de son plan, je n'ai pas voulu, dans cette comédie du mariage, accepter mon rôle tel qu'il me l'avait dessiné. Il était très important, ce rôle, très brillant et assurément intéressant à jouer. Je l'ai transformé en un rôle muet. Elle s'arrêta et le regardant, « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. « Très vrai. Mais ce rôle, je n'ai pu l'accepter que par une sorte d'obéissance, sans réflexion pour ainsi dire, sans avoir conscience de ce que je faisais. Mon oncle me demandait de le remplir. Je le remplissais en l'appropriant à ma nature. J'obéissais à son ordre, et par cette soumission, il me semblait que je m'acquittais de la reconnaissance que je lui devais. Il faut remarquer, si vous ne l'avez déjà fait, que je ne suis précoce en rien. Mon esprit, mon intelligence ne se sont ouverts que tardivement, peu à peu, si tant est qu'ils se soient ouverts. Je suis donc resté assez longtemps sans comprendre ce rôle, et surtout sans voir le résultat auquel j'arriverais, si je réussissais dans son dénouement, c'est-à-dire un mariage peut-être riche ou puissant, mais à coup sûr malheureux, car vos yeux, n'est-ce pas, comme au mien, un mariage sans amour ne peut être que malheureux, assurément. Je comptais sur votre réponse. Quand j'ai compris où je marchais, ou plutôt quand je l'ai senti, car je l'ai senti avant de le comprendre, disant cela, elle posa la main sur son cœur, j'ai résolu de ne pas aller plus loin et de m'arrêter. Jamais position n'a été plus délicate que la mienne. Je devais beaucoup à mon oncle et d'un autre côté, je me devais à moi-même de ne pas poursuivre des projets de mariage qui ne pouvaient faire que mon malheur ainsi que celui du mari que j'épouserais. Comment sortir de cette difficulté? J'y réfléchis longtemps. Mais, si difficile que soit une position, on trouve toujours moyen d'en sortir lorsqu'on le veut fermement. Il écoutait, se demandant où allait aboutir cette étrange confidence et surtout pourquoi elle la lui faisait. Elle continua. Vous savez qu'en ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé la musique et que j'ai pris des leçons de chant. Si je n'avais pas dû être une grande dame, j'aurais été une grande artiste, me disait chaque jour mon professeur. Eh bien, grande dame, je ne le serai point. Au contraire, je serai artiste. Dans quelques jours, je partirai d'ici, seul, pour l'Italie, et sous un faux nom, je débuterai au théâtre. Vous? Oui, moi. Voilà pourquoi j'ai voulu vous faire cette confidence. C'est pour vous prier d'être, au moment de mon départ, auprès de mon oncle et de ma mère, pour leur adoucir le coup que je leur porterai. J'ai cru que personne mieux que vous ne pouvait remplir cette mission, et c'est le service que je vous demande. Vous ne me le refuserez point, n'est-ce pas? Comédienne !